Tu mourras si tu essaies de lutter contre nous, Beverly. Tu mourras si tu essaies. Tu mourras si tu essaies de lutter contre nous, Beverly. I'm gonna go to the house.

Thank you. clairement que c'est un sale pédé. Il n'a pas eu la vie pour les meufs. Les meufs. Au bout d'une demi-heure, vous commencez à voir que vous avez des effets, quoi, surtout physiques, quoi. Vous pouvez plus trop vous lever, plus trop marcher, vous avez les jambes qui flageolent, quoi. Vous demandez un peu ce qui se passe, quoi, au début, en fait. Et au bout d'un moment, on tombe dans une sorte de léthargie, parce qu'à la fin, on peut plus marcher, hein. De toute façon, on allongeait pas. On peut ramper à la limite, mais marcher. L'iboga, c'est toujours la même chose parce que ça fait réfléchir sur soi-même. Je la cherche partout. Oui, moi c'est sa chienne. Oui, non, pas c'est sa chienne.